Salut à tous, ouais, Dolly ouvre ce 284e Pop'n'Rock sur la très locale RVR comme ils avaient ouvert le 13e Pop'n'Rock, car rappelez-vous, Pop'n'Rock fête les vacances avec comme programmation du mois d'août tous les titres qui ont ouvert les premiers Pop'n'Rock, comme le How des 16 Horsepower avait ouvert le Pop'n'Rock numéro 14. Pour la petite histoire, il faut savoir que le titre qui ouvre un Pop'n'Rock est toujours un petit peu particulier. Il faut qu'il me parle, mais il faut aussi qu'il retienne votre attention. Et A Forest, par les Cure, emplit haut la main ces deux missions. We'll be right back. the tree. Le 15e Pop and Rock avait été ouvert par les Cure avec A Forester en version acoustique, le numéro 16 a été ouvert par les Vines. Les Vines avec à leur titre emblématique Mrs. Jackson. On se fait ça donc tout de suite, les Vines, Mrs. Jackson, en ouverture du Pop and Rock numéro 16 il y a bien longtemps. Forever. Miss Jackson, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson, I am for real. Never meant to make your daughter cry. Apologize a trillion times. Ce numéro 284 de Pop & Rock est à retrouver comme tous les autres sur la page de Facebook de Pop & Rock sur RVR. Regarde autour de nous, rien que des noms. Regarde, je deviens fou, que le chemin est long. Pour moi, et je perds contrôle de moi. Ce n'est pas pour moi, non. Allez, allez, laisse aller. Laisse venir les bords des terres. Allez, allez, laisse tomber tout ce qui t'a pensé que tu laisses aller. Jeudi passé, j'écoutais nos potes de Radio Lezing et si Vadel avait ouvert notre 17e Pop'n Rock, j'ai découvert que le même titre avait ouvert leur 5e Radio Lezing. Par contre, le titre qui arrive à présent, aucun risque qu'il ouvre un Radio Lezing, pas de New Yorkais chez nos potes de Radio Lezing. Ouais, Interpol a ouvert plusieurs pop and rock. Interpol a même eu une spéciale pop and rock. Ouais, Interpol a donné vie à pop and rock, même si aujourd'hui ils n'y arrivent plus. Ils auront marqué la fin du 20e siècle et le début du 21e, comme d'ailleurs ce groupe qui en son temps ouvrait notre 19e pop and rock consacré au rock français. Le vent les Dans Pop and Rock, on aime les oldies but goldies incontournables des années 80 qui restent dans la mémoire collective. Et après le AC/DC qui ouvrait le 20e Pop and Rock, voici l'Addicted to Love de Robert Palmer en ouverture du 21e Pop and Rock sur la très locale RVR. RVR. Goodbye. Et ouais, Johnny Marr ouvrait le 22e Pop & Rock comme il avait ouvert le 7e. Quand c'est bon. Et oui, les années 70 sont aussi ouvertes des pop and rock, même si les années 90 sont souvent beaucoup plus présentes, comme avec les White Stripes. Ferrare, les White Stripes ont ouvert deux pop and rock consécutifs, le 24e consacré aux White Stripes et le 25e consacré au duo du rock. Donc on saute donc le numéro 25 et on fonce directement au 26, ouvert par The Kills. Pop and Rock le 26, 27 et 28 étaient consacrés à des lives après celui des Kills, ce fut celui des Smiths. We'll be right back. Et après le 27e Pop and Rock consacré à un live des Smiths, le 28e était un live de Balthazar. Anything could happen. Blindly grab whatever does or doesn't matter. I did not want to write anything, just wanted you to taste the ink, just wanted you to be prepared when at night I sigh up with the moon, my dear, combined. By its light I'll guide my steps at the bottom of the bottle. I did not want to write anything, just wanted you to taste the. Did not want to write anything, just wanted you to taste the ink. Pour finir ce 284e Pop and Rock, on va prendre ceux qui avaient ouvert le 29e, Alice chantée par les Sisters of Mercy. Sur ce, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit, et comme toujours, bon vent à tous. pressed against the wall so she can see the door. In case the laughing strangers go and crush the petals on the floor. Alice in her party dress, she thanks you kindly. So serene she needs you like she needs a trance to tell her that the world is clean. To promise her a definition, tell her where the rain will fall, tell her where the sunshine